La vitesse est limitée à 130 km/h, réponse A. 110 km/h, réponse B. 100 km/h, réponse C. 90 km/h, réponse D.